Merci beaucoup, Sylvain. Je crois qu'on est prêt à discuter un bon moment avec tout ça. Comme vous l'avez rectifié. Alors, tant mieux, c'était le but, hein. Parce que t'es arrivé en cours de présentation, mais je disais au début qu'il fallait, c'est ce que je venais pour rectifier ça. Excusez-moi, t'es arrivé un petit peu tard. Maintenant, comme je dis, on va prendre un moment pour discuter après, du coup, et pour débattre éventuellement s'il y a besoin de débattre. Peut-être pour commencer, et avant qu'on se lance effectivement dans des discussions qui éventuellement pourraient être animées, mais dans laquelle chacun respectera la parole des autres, certains ont mené ou sont en train de mener aussi des recherches en lien avec Nuit Debout, je propose qu'on prenne un temps avant vraiment de discuter le contenu de vos présentations pour, vous n'êtes pas obligé, hein, mais si certains souhaitent le faire savoir et le partager en quelques mots, c'est le moment. Pour ça que vous m'empêchez de connaître ça aussi, c'est pas le sens. Bon, du coup, on a fait l'enquête sur la plage, en fait, on est pas de façon et donc là on a fini de traiter ensemble des données, on continue de faire des entretiens, on va commencer à publier, à présenter un peu des trucs, notamment je pense que le 7 décembre. Voilà. Donc là on est trois à avoir fait l'enquête et juste pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit sur le lien entre attentat et Nuit Debout, une des hypothèses à un moment qu'on a sorti, c'était de comparer, puisque c'était prédit dans les médias, c'était de comparer la population visée, en gros la population le public du concert du Bataclan, et en gros à travers ses victimes, sa sociologie avec la sociologie des gens qui étaient sur la place. Parce qu'un des rapports qui était fait, c'est que ça touchait les mêmes types de population dans un sens très très extensif. Même localisation, même classe sociale, même type d'âge, etc. Il y a un des liens qui a été fait, c'est que les deux populations, donc les victimes des attentats et les gens qui étaient sur la place, c'est relativement similaire. Mais vous êtes dans une université ou un labo? Moi, vu mon âge et ma retraite, je ne suis pas rattachée à un labo, mais je tâche de suivre les mouvements sociaux successifs, de participer et d'écrire dessus. Donc, je vais faire circuler deux poèmes. Un que j'ai écrit après les attentats République, pas Bataclan, que j'appelle Urgence humaine, et puis l'autre que j'ai écrit sur Nuit Debout. Donc, je vais les faire circuler, ainsi que des paroles qui étaient sur les cabanes avant l'expulsion de la police, donc voilà. Et puis j'essaie de tirer les leçons du mouvement contre la loi travail et son monde, et de Nuit Debout, deux mouvements qui se sont enrichis mutuellement mais parfois un peu ignorés. J'essaie d'en tirer les leçons pour, je dirais plus tard, être aussi inventif que le pouvoir que nous avons en face et sortir des modes d'action traditionnels, à savoir les manifestations, pour passer à un autre registre. Donc je vais circuler ça. Est-ce que j'ai une question? Est-ce que... Enfin, je trouve que c'est très intéressant que vous fassiez un travail sur ce qui se passe actuellement sur la place de la République, à savoir que la mairie de Paris a bloqué en partie cette place, avec, vous avez vu, des murets pour les skateurs. Voilà. Vous avez vu, ça, je sais pas. C'est scandaleux. Alors, au départ, ils avaient mis comment on appelle ça? Une rampe, voilà, c'est ça. À la place des Restos du Cœur. Nous, ça ne nous a pas trop gênés. On a pu déplacer les micros de l'Assemblée Générale un petit peu en avant. Donc, voilà. Et depuis, bah, depuis quelques temps, ils ont retiré ce, cette rampe, ils ont mis des bancs, des espèces, pas des bancs, des formes en béton. Alors il y a des triangles, c'est gros, hein, il y a des machins comme ça, voilà, c'est des formes qui prennent de la place et ce sont des obstacles pour les skateurs, ils s'amusent avec ça. Donc, il y a eu, on a eu, moi je suis venue depuis le début, enfin il y a quelques-uns depuis le début, on a eu quelques altercations avec les skateurs le soir parce que nous on voulait envahir leur lieu puisque c'était éminemment politique. Hein. Si la mairie de Paris fait ça, c'est pour conférer. Ils ont eu du mal à nous comprendre, c'était des jeunes qui n'étaient pas du tout politisés, ils étaient là pour, voilà, pour faire leur skate, leur roller, machin, ce qu'on peut comprendre. Bon, finalement, la première fois, ils sont partis, la deuxième fois aussi, puis après, ils sont restés, ils ont fait l'affaire. Et nous, c'est nous qui avons déménagé. Et puis, il a fait froid, donc ils sont obligés de faire ça ailleurs. Mais je pense que ce serait très, très intéressant que vous analysez ça, et que vous... C'est une suggestion, hein. Et que vous alliez voir à la mairie pourquoi ils ont fait ça, ce qu'ils vous racontent, quoi. Parce que nous, on n'a pas la version officielle, hein. Moi, non, je n'ai pas envie d'y aller. Mais non, parce que je trouve que ça fait partie de votre travail. Moi, je ne fais pas un travail de recherche universitaire. C'est-à-dire qu'ils nous ont interdit cet espace qu'on s'était approprié. Tout à fait, oui. Je ne sais pas si vous faites attention, c'est Alice Mazet qui est là, qui m'a indiqué ça, je n'y ai pas pensé. Le premier skatepark, il avait un nom, il s'appelait Paris Ramp. Voilà. Donc, Nuit debout, Paris Ramp, voilà, c'était le jeu. Et après, il y a eu d'autres stratégies. Il y a aussi l'exposition qui était très belle. Ils ont mis sur la partie ouest de la place, ouest, c'est ça, l'exposition temporaire, avec ses panneaux JC Déco. Donc, mettre des panneaux JC Déco à côté d'un rassemblement Nuit debout, il y a forte chance qu'ils soient cassés. Mais tout en faisant un truc sur les migrants, donc légitime. Donc, c'était aussi une belle stratégie de réappropriation. Donc, on travaille là-dessus. Et c'est avec ma chef qui ira voir à la mairie, elle a plus de contacts que moi. Il y a plein de choses, il se passe plein de choses, les maisons, incroyable, les maisons, les architectes de Bourg ont construit des vraies maisons. Je ne sais pas si vous avez vu, des vraies maisons en bois, c'était magnifique. Il s'est passé vraiment plein de choses. Alors moi, si je peux compléter un peu. Alors, Orchestre de Bourg, le dernier concert qui a eu lieu, pas même... après le grand premier concert, qui a été une surprise pour tout le monde, moi je ne m'y attendais pas du tout, hein. C'était resté très secret, je ne sais pas, ils ont fait ça via les réseaux sociaux. Mais après, comme j'étais dans Chorale de Bourg, il y a beaucoup de professionnels, hein. Dans les choristes, c'est des voix travailler. Donc le dernier spectacle qui a eu lieu, il y a combien de temps? Il y a un mois, le grand spectacle avec l'Opéra de Bourg. C'était des pros, hein. Des musiciens, des chanteurs, et pas des danseurs. Il y avait des pros et des jeunes de dans l'ensemble. Voilà, sinon, vous avez un regard, un regard de. Je trouve ça un petit peu tristounet par rapport à ce que nous avons vécu, hein, Nuit debout depuis le début. C'est un peu normal, hein. C'est un travail, un travail théorique. Moi, j'ai pas du tout retrouvé la joie qu'on a vécu de nouveau, l'enthousiasme, la richesse, il y avait de tout. Il y a eu des danseuses qui est venue un jour, il y a un SDF qui est venu la voir, qui a dansé avec elle, c'était magnifique, il dansait bien, enfin, elle l'a pas envoyé balader. Voilà, on a vu des trucs comme ça, voilà, oui c'est tout. Moi, juste sur le skate, c'est une donnée qu'on a en tête. Là, on a tout un volet sur la négociation de l'espace sonore du bruit. Donc, qui peut être envisagé comme une action de la préfecture, de la police, comme une action d'adaptation. Mais nous, donc, c'est un point qu'on considérait, on n'avait pas le temps de développer. Mais l'autre volet sur ça, en fait, c'est de voir, quand on a plusieurs formations musicales dans un même espace, il y a une négociation de fait entre. Voilà. Et donc, on a vu plusieurs fois. Enfin, le samedi notamment, c'est toujours, la République est souvent soit le lieu de rassemblement, soit le lieu traversé par des rassemblements. Et donc il y a des problèmes d'horaire où on avait prévu qu'ils partent à telle heure et en fait ils sont, donc on s'ajuste. Voilà. Et ça, c'est une négociation qui se fait dans l'espace, parce qu'on n'est pas que le fait de. Mais bon, enfin, le skate, là, on voit que ça pose un problème de. C'est un peu de politique. Bonsoir, je me perds l'écho, donc certains qui me connaissent, surtout en tant que gueulard, donc là j'ai évité de gueuler, parce que de toute façon il n'y a pas le fait de gueuler, parce que tout se passe vachement bien, et ce monsieur, je sais pas votre prénom, Sylvain, vraiment se fait une sorte de rhétorique, on va dire, sur tout ce qui s'est passé, on va dire, depuis le mois de mars, on va dire presque comme ça, parce que vraiment, ce monsieur a énormément travaillé là-dessus, et franchement, je le remercie parce que tout ce que j'ai entendu, il est énorme, il a énuméré un petit peu tout ce qui s'est passé mois par mois, et jour par jour, et presque semaine par semaine, de tout ce qui s'est passé un petit peu de Nuit Debout. Aujourd'hui, on est arrivé à une chose où Nuit Debout, on a fait une réunion de coordination hier soir, d'ailleurs, d'en faire Rochereau, donc il y avait certaines personnes qui étaient là, d'autres personnes n'y étaient pas, parce qu'elles ne pouvaient pas venir, donc c'est pas grave, mais on en a établi que Nuit Debout n'est pas mort, déjà, hein, ça, déjà, le mot Nuit Debout est mort, ça, déjà, c'est mort, faut déjà, c'est faut déjà, surtout Internet et n'importe quoi, Nuit Debout n'est pas mort, donc justement, Nuit Debout continue, et va continuer de plus en plus à faire, et aller, dans des investitures, on va dire, et je dis bien investitures, ça veut dire, on en est, je l'ai bien dit il y a plein de jours, que ça, excusez-moi du terme, que ça a fait chier, lorsque j'ai dit que voilà, on en a 4 mois des présidentielles, que Nuit Debout à la base, on s'était mis là-dessus par rapport à ce fait-là. On en est aujourd'hui de se dire, aujourd'hui, on en est, il faut qu'on bataille par rapport à ça, mais en même temps, il faut qu'on bataille par rapport à tous les problèmes, toutes les problématiques qu'il y a juste à côté. Donc il y a la problématique de la précarité, il y a la problématique de ce qu'on a parlé, il y a le problème des migrants. On dit qu'on a dit, la France a dit à tous ces migrants, venez chez nous, on va vous aider, et qu'aujourd'hui, on les vient à côté au cul. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Personne n'est d'accord avec ça. C'est du foutage de gueule complet. Donc il y a beaucoup de collectifs aujourd'hui qui se mettent en place par rapport à ça, de pouvoir les aider. Moi je suis complètement d'accord avec ça, qu'on ne fait pas venir des gens sans qu'on y ait d'autres situations pour après les virer à copier dans les fesses. Donc pour moi, Nuit Debout, ça a été fait aussi pour ça. Et en même temps de parler de ces migrants, il faut parler aussi de la classe. Qui est de la classe de chez nous aussi. Des gens qui n'ont pas d'appartement, des gens qui sont dans la merde, alors que, et moi j'aimerais que Nuit Debout, c'est ce qu'on a parlé un petit peu, ce qu'on essaye de faire en même temps un petit peu, on essaye de se démerder aujourd'hui de pouvoir réquisitionner des immeubles, justement pour que les gens qui sont dans la merde puissent réquisitionner ces immeubles-là. Que certaines personnes puissent, même s'il y a des gens qui sont. Mais c'est un droit, et c'est un droit que j'aimerais que s'il y a quelqu'un qui se retrouve un petit peu dans la logistique, on va dire, se dise voilà, bah, on va essayer de se démerder pour voir est-ce que dans la loi, parce que la loi dit que une personne qui un établissement, que ça soit n'importe quel endroit, ou même un appartement qui n'a pas été occupé depuis tant d'années, que la personne le prenne grande dedans et que fait tout à l'intérieur, ça veut dire le remettre en état complet, ça veut dire que l'État ne peut rien lui dire, ça veut dire que la personne devient presque propriétaire de cet immeuble, ou de cet appartement, parce qu'elle a rénové elle-même. Et ça, j'aimerais que ça, aujourd'hui, que ça soit Nuit Debout, que ça soit d'autres collectifs, se mettent à cheval là-dessus. Il y a tellement de problématiques au niveau des logements que Nuit Debout, en fait, on essaie de faire en sorte que voilà, les gens aillent et aient un appartement. Et on parlait tout à l'heure du DAL, oui je suis d'accord avec le DAL, ils sont bien gentils le DAL, mais bon, avec tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ça n'a strictement servi à rien. Pas à rien, mais bon, mais ça n'a pas servi à grand chose, excusez-moi, mais bon, laissez-moi terminer. Bref, même s'il y a des gens du DAL, je m'en fous, je dis ce que j'ai envie de dire, tout simplement. Si chacun parle 10 minutes, on n'aura pas tout ce que t'en parles. Ok, voilà, tout simplement. Bon, après, moi je continue sur mon truc, c'est que voilà, il y a une manifestation qui va être faite pour contre la précarité et contre le chômage, j'aimerais qu'il y ait énormément de gens et que énormément d'associations soient là pour défendre ça demain, justement. Moi, malheureusement, je n'y serai pas parce qu'il faut que j'aille autre part jusqu'à travailler, donc j'ai pas le choix. Et, mais en même temps, je m'occupe de pas mal de choses en ce moment et ça fait beaucoup de choses, mais en même temps, j'aimerais qu'on soit en même temps. Que les associations, et ça c'est quelque chose qui, avant de redonner la parole à d'autres personnes, que les associations aujourd'hui, maintenant, que ça soit plus une question de nuit debout, que ça soit plus une question d'association à machin à droite ou machin, ceci, cela, que ceci, cela, que celui, machin, je fais ci, je fais ça, machin, que tout le monde réussisse aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le choix. À 4 mois des élections, que toutes les associations, et je dis bien toutes les associations, réussissent à travailler tous ensemble, avec nuit debout, que ça voilà, que tout le monde converge, va dire, dans quelque chose de structuré, de quelque chose de solide. On a toujours parlé de quelque chose de solide. Et moi, c'est quelque chose, j'ai toujours prôné quelque chose de solide. Si on n'a pas quelque chose de solide avec 37 000 associations, on ne pourra pas y arriver. Il y a des gens qui, il y a des puissances à côté de nous. Donc, il y a des puissances comme la gauche, comme la droite. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon, je pense que c'est très important, mais peut-être pour recadrer quand même un petit peu la séance. L'idée, c'est aussi, voilà, on a des gens qui travaillent, qui enquêtent là-dessus, qui ont participé aussi, comme ils l'ont dit, qui nous ont fait part pendant un bon moment de leurs travaux, qui se sont penchés dessus en nous faisant des beaux PowerPoint pour que ça puisse passer le mieux. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de discuter de ce qui a été dit, de ce qui a été proposé, présenté. Donc n'hésitez pas à, si donc à ton mobile, on va faire circuler aussi la parole, à recentrer un peu. Je m'autorise, moi, à vous poser quelques questions avant de la refaire circuler dans la salle. Peut-être parce qu'il y a un point que j'ai dû ressortir vraiment de vos deux présentations, c'est à quel point, alors c'est un peu classique de dire ça à propos des mouvements sociaux, mais ça ressortait très bien de vos présentations respectives, c'est à quel point finalement c'est pluriel tout ça, à quel point c'est hétérogène, la fin, là, quand vous mettiez un petit peu, il y avait cette question ouverte à la fin du questionnaire de qu'est-ce que ça représente pour vous, Orchestre Debout, on voyait vraiment des réponses très différentes, ce que Sylvain tu disais concernant voilà, des gens qui sont complètement opposés les attentats, la mémoire des attentats à Nuit Debout, d'autres qui au contraire vont y voir une forte continuité, tout ça, ça montre qu'il y a vraiment, de la pluralité là-dedans. Et ma question, en fait, c'est est-ce que parfois ça va jusqu'au conflit, voire au conflit ouvert. Très concrètement, ce que je voudrais savoir, c'est, par exemple, sur la question de l'orchestre symphonique, on peut imaginer, mais peut-être que je me trompe complètement, mais on peut imaginer que ouais, il y a des réactions de certains qui disent, tiens, ben, ce type de musique, c'est un peu exclusif, enfin, c'est un peu excluant pour d'autres, alors peut-être qu'on pourrait conjuguer ça à d'autres formes de musique plus populaire, ou... Voilà, est-ce que là-dessus, c'est des discussions qui ont eu ? Est-ce qu'il y a eu des débats sur ça ? Sylvain, comme tu montrais vraiment sur le lieu, en fait, il s'agit de s'approprier de différentes façons la statue, ce qu'il y a autour. Est-ce que avec tout ce que tu as pu voir, il y a eu des moments un peu où il y a eu des personnes qui ont pu se friter, se discuter, ou quoi, autour de, bah voilà, je sais pas, vous êtes en train de déplacer ci, de mettre ça à la place. Voilà, j'aurais voulu savoir un peu s'il y avait eu des tensions dans le... Et puis aussi, pour aller aussi développer sur ce que tu dis, il y a aussi la question des riverains. Et donc, à Rouen, la commune de Saint-Nicaise, les nuits de boutistes qui sont venus là par hasard ont pris soin tout de suite d'aller voir les riverains, parce que finalement on joue des citoyens contre les autres, quoi. C'est pas Guignol et puis Niafron, enfin si ce serait plutôt Guignol et Niafron qui se taperaient dessus avec le flic qui contrait les poings. Donc l'ennemi premier d'un mouvement, c'est l'incompréhension qui suscite chez autrui, et finalement les schémas standardisés que rappelait Sylvain sur l'histoire, mais quelle image ces mouvements vont donner de la France. Moi je m'intéresse aux grèves, au mouvement universitaire de 2009, et on a aussi dans les médias, mais quelle image ces grèves vont donner de l'université française. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui se lancent, qui essayent de faire quelque chose, qui ne savent pas trop quoi, qui comme ça, comme les gens de Rouen, qui sont venus comme ça parce qu'ils avaient besoin d'un lieu, puis paf, ils ont dit « Ah tiens, ce lieu est intéressant, ils sont intéressés à son histoire, et ils ont essayé de se l'approprier, comme dit monsieur, et ils se sont fait fiche dehors par des troupes d'élite, bon, une centaine contre 4 clampins, enfin bon. Mais cet ordre-là, il existe, il est censé avoir le consensus des fameux riverains. C'est-à-dire, nous sommes tous, c'est la majorité silencieuse, hein. Comme disait Sarkozy, il faut lui incarner cette majorité-là. Il faut l'entendre, c'est celle que l'on bafoue, puisque précisément elle ne se montre jamais. Donc toute action qui sort de cette espèce de consensus de droite, pour reprendre les termes de Sylvain, conservateur, c'est cet ordre-là où chacun a sa place, où les choses doivent marcher. Les universités sont là pour enseigner, les enseignants enseignent, les étudiants étudient. Dès lors qu'ils font quelque chose d'autre, ça pose problème. Bon. Dès lors que les citoyens se réunissent là sur une place, comme dirait la maire, Hidalgo, c'est une privatisation. Alors qu'en fait, c'est la naissance d'un public, disons, concerné, quoi, en fait, d'un concernement. Et justement, j'ai été assez surpris par le fait que... dans les exposés là, il n'y a pas que la question du commun ne vienne pas. Enfin, à mon sens, le commun, c'est la structure juridique qui permettrait de faire ce que dit monsieur aux citoyens avec une perspective de bien, enfin d'intérêt public, d'intérêt commun, de remettre en service dans une perspective d'intérêt général et de solidarité des biens qui pourrissent, des lieux, parce que des lieux qui occupent un espace qui est un espace à tous, parce que c'est une portion de l'espace communal, de l'espace national, qui ne sert à rien, qui est bloqué par des intérêts privés, tout simplement à cause de la dimension absolue du droit de propriété. Donc, j'étais un peu trop long, comme toujours, j'ai quelques idées, puis ensuite bloc ça. En fait, le point était, il faut que j'essaie de me recentrer en deux, trois mots sur ce que tu disais, Manuel, c'est ça. C'est-à-dire que je n'ai pas entendu dans les exposés quelque chose qui aurait une dimension révolutionnaire et que j'ai trouvé chez monsieur comme une sorte de révolution à petits pas et à de proximité. Voilà. Oui. Yes. Si vous voulez que j'aille plus loin, je vais aller plus loin. Là, si vous voulez réveiller le dragon, vous allez le réveiller. Alors, on continue un peu le tour de questions. Alors, je voudrais vous peut-être apporter les informations, peut-être que vous les avez, je ne sais pas. Première chose sur le tag qu'on voit ici, vos gardes morts. Alors, donc on parlait de la statue qui est un mémorial où les gens apportaient des choses, mettaient des messages, des petites affiches. C'est pas toujours aussi facile de mettre un message. Ce tag-là, en l'occurrence, quand il a été fait, la place était encerclée littéralement par des CRS et la personne qui l'a fait a été attrapé pendant qu'il était encore en train de le faire. Absolument. Par un policier de la BAC et a été emmené dans le cordon et mis dans un fourgon. Donc ouais. Il faut quand même mettre aussi les témoignages à chacun sur un plan qui n'est pas toujours le même. Deuxième point qui est plutôt pour vous, sur la musique, il y a un événement, je ne sais pas si vous en avez connaissance, qui pour moi est fondamental et qui est musical. C'est le 2 avril. Où il y avait, ça devait être vers 4h du matin, 5h du matin, je ne sais pas, à l'heure où les policiers arrivent pour vider la place, et où ils n'ont pas réussi à vider la place parce que la moitié des policiers s'est retirée, a refusé de le faire, et la résistance qu'ont opposé les gens, c'était la musique à ce moment-là. Tout le monde s'est mis en file indienne, où enfin, au début c'était plutôt statique, mais à la fin c'était vraiment mobile, et a chanté « Nous vivons sous un état policier » sous l'air de Yellow Submarine. Et ça a duré, il n'y avait que ces mots-là, hein. C'était pas plus long que ça, le slogan, mais ça a duré bien un quart d'heure, 20 minutes, peut-être plus, je sais pas. Et c'était un moment assez fou, il y avait une résistance qui était absolument non violente, et où donc les policiers se sont retrouvés désemparés, et même certains donc, ont enlevé leur casque, et ont refusé, et sont mis à discuter avec les gens. Ça, j'ai pas vu. C'est chose à retenir. Oui, allez-y, je voulais savoir si j'ai bien compris que vous faisiez la différence entre, enfin, différentes analyses entre la place qui pense et la place qui danse. Et je voulais savoir aussi si vous aviez. Parce que, enfin, non, en fait, oui. C'est pas nous. Oui, c'est pas nous. On se rencontre toujours à la rencontre. C'est pour ça que vous n'avez pas rencontré. Oui, oui. Mais du coup, je me demandais si vous aviez considéré toutes les dynamiques qu'il y a eu entre, je pense, ça doit être entre la mi-avril et début mai, où en fait on s'est retrouvé les week-ends avec le côté place qui danse, investi par le milieu, de, pour le milieu de la teuf, de la red party, pour être encore plus ringard, bref, qui est un milieu qui est par ailleurs hautement politisé et depuis ses débuts, depuis 30 ans et qui au moins, et qui a une rhétorique assez proche de celle de Debout sur les libertés, le mouvement de la répartie, je ne sais pas comment vous expliquer à vous. Et je me demandais si vous aviez intégré cette manifestation musicale là. Qui était en marge d'une de vous, puisqu'elle n'a jamais voulu vraiment s'intégrer au programme, mais qui s'est quand même greffé à un moment où il y avait où Nuit Debout était là, et en fait ils ont été là parce que Nuit Debout était là. Moi je te répondrai après. Bah, très bien, après. Parce que j'ai une réponse à te donner. Du coup, après. Et j'avais juste une toute petite remarque qui bien entre ce qu'a dit Michel Bartholomé et ce qui a été dit sur le tag et sur la présence policière, c'est qu'il y a un lien aussi entre Nuit Debout et les Adratas et les riverains, mais aussi les gens qui étaient sur la place ou les villes en général, c'était de dire ils manifestent et donc ils mobilisent des CRS pour garder la place pour, et ces CRS-là, ils seraient mieux à surveiller ailleurs dans la ville. Et là, c'est un lien qui est important d'entendre et de comprendre et d'en faire la sociologie, parce que là, on ne sait pas, il faudrait voir, on peut imaginer que c'est juste une position, on va dire, de droite ou quelque chose comme ça, mais c'est pas que ça, en fait. Non, parce que là, sur les communs, sur la police comme commun, et qu'est-ce que ça veut dire que de mobiliser autant de gens, etc. Et là, il faudrait voir aussi ce qu'en pensent un peu les CRS aussi là-dessus. Je pense qu'ils préféraient surveiller Nuit Debout que surveiller des jeux professionnels, mais en tout cas, c'est un lien entre les attentats qui est très fort, et qui a été tout le temps là, en gros. Je peux répondre direct par rapport à ça. Il y a eu un dessin humoristique très, très excellent, je ne sais plus qui c'est, qui, à propos de ce que monsieur allait dire, alors un dessin, c'est des publics qui reçoivent des canettes de Nuit Debout, et à côté, c'est le bordel du foot, là, de l'Europe, là, un bordel monstre, tout pété, et les flics tenus. Oh, je préférais quand c'était Nuit Debout. Il est excellent. Donc, je rends la parole aux trois intervenants. J'ai vu qu'il y a d'autres mains, on reprendra après. Ah, c'est un autre regard. Je ne suis pas dans le Moi, je voulais répondre en fait, sur la question du bruit et de, les deux questions vont ensemble. Je ne sais pas quoi faire. Je vais prendre par le bout commission en fait sur la question du riverain. Donc ça, c'était un lundi soir. Là, j'ai plus la date en tête, mais donc c'était une commission dans laquelle il y avait Ruffin, et donc il était question. Alors, c'est le moment où il y a plein de journaux qui disaient que vraiment il y avait trop de bruit, que les riverains n'en pouvaient plus. Enfin, toute cette rhétorique qu'on a pour les otages, voilà. Je suis pas sûre qu'il l'ait appliqué à ce moment-là, mais bon, c'était l'idée. Et donc là, en fait, donc c'était un lundi soir très tranquille, et il y avait justement un riverain, donc étant joli, c'était manifesté sa riverainitude. Et donc, il est intervenu dans cette commission pour faire part de son ras-le-bol, et voilà. Et ensuite, donc on l'a laissé, enfin, la commission en question l'a laissé s'exprimer. Et donc, voilà. Et ensuite, il a été interviewé par un journaliste donc pour faire part de son mécontentement. Et alors bon, la commission n'a pas tranché sur ce qu'il fallait faire ou pas faire par rapport à ce riverain. Par contre, il y avait un débat sur l'idée de, donc, en réponse je pense à tout tapage médiatique autour de l'idée que ça faisait trop de bruit, de lancer une révolution des casseroles, comme ça s'est fait, voilà, une soirée des casseroles, mais devant les mairies. Et ça n'a pas été investi par la mairie. Enfin, pour le coup, là, je ne vais pas avancer sur les hypothèses du pourquoi, mais en tout cas, ça s'est. Qui a été organisé par les Nuits debout du 20e, en fait. Oui, enfin, il y avait tout le monde. Qui n'a pas été suivi. Devant le casseroles, ils étaient 7, ça faisait du bruit, mais donc voilà, donc le bruit, ça c'est un objet pour revenir sur l'idée de commun qui est commune et qu'on a formulé. C'est vrai que ça fait partie en fait de tout ce qu'on veut analyser dans notre volet, de ce qu'on a vraiment pas développé là, de la question de la négociation du bruit et des sons. Donc ça concerne l'extérieur, parce que la place, elle est délimitée géographiquement, mais le son, on le délimite beaucoup moins facilement. Et donc, pour revenir sur ta question à toi, sur est-ce que, à nous debout, on peut a priori disqualifier un répertoire ou une formation musicale ? En principe, non, puisque tout le monde a la parole. Après, nous, alors, il y a plusieurs personnes de l'Orchestre debout, donc peut-être qu'il y a eu des débats internes, mais nous, on n'a pas assisté à tous les débats internes, ni sur la place, ni au sein de chaque commission, donc ça, voilà. Et donc, ce qu'on a vu, là, ce qu'on a déjà observé dans le traitement des données, c'est que quand il y a disqualification, c'est au nom de trop de bruit, du trop de bruit par rapport à moi qui suis à côté, ou des questions de sécurité. Donc là, on a le concert du 1er mai de Nefke qui pose la question de est-ce que. Donc lui, voilà, c'était posé en termes de est-ce que Nuit debout pourra sécuriser l'événement. Donc on disqualifie pas au nom de ça ne nous représenterait pas, on ne peut pas faire ça. Ça va à l'encontre de tout ce qui a été dit. Et voilà, et donc pour finir juste sur ça, je vais pas montrer, j'ai une vidéo du 100 mars en fait à la marge. Alors c'était le volet tout le monde a la parole, tout le monde peut se produire musicalement, oui, mais presque, et non. Donc là, c'est je pense que. Pardon. En tout cas, ça a été relevé médiatiquement que les veilleurs avaient essayé de s'installer. Et donc, effectivement, le 100 mars, il y avait à la marge de la place de la République, devant le Maïdo, le cocon du temple, un groupe qui s'est rassemblé. Et donc là, eux, il n'était pas question qu'ils allaient faire de la musique sur la place, ni même s'exprimer. Et pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos. Donc c'était clair, donc eux, il n'était pas question que. Il faut dire qui sont les veilleurs, justement. Ah bon, autre, c'est vous qui devez dire ça, non ? Ah oui, oui, oui, oui, parce que vous parlez des veilleurs, mais sans dire qui ils sont. C'est un groupement anti-facho. Moi, j'aurais dit l'inverse. C'est des personnes plutôt qui sont à fond facho. C'est plutôt des catholiques. Non. Je vais faire des bêtises. C'est qui ont la parole alors ? C'est un mouvement officiellement non professionnel, évidemment, pour la manif pour tous, c'est un groupe catholique, mais qui est officiellement non professionnel, qui s'est rassemblé sur les places et en différents endroits symboliques au moment de la manif pour tous, de manière statique. Et au lieu d'être ensemble, ils étaient tous. Oui, mais en global, c'est quoi ? Je suis en train de parler. Qui luttait contre la manif pour tous et appelait à faire pression contre sur le gouvernement pour retirer la loi du fromage pour tous. Officiellement, c'est des spéciales. Ils sont quoi exactement ? Ça veut tout dire, hein, dans sa suppliche, quand c'est clair. C'est quoi ce genre-là ? Mais ils sont contre la pupille. Ils sont contre nous, ils sont pour. Ils sont pas avec nous. Bon, okay, bah, il y a rien compris, tu peux faire une nerf, c'est pas grave. Je sais pas, on continue. Je voulais juste sur la question des conflits au sein. Enfin, c'est marrant parce que dans le questionnaire sur l'orchestre debout, il y a une personne en fait. Enfin, en fait, les réponses sont quand même plutôt situées à gauche, etc. Il y a une personne en fait qui a utilisé le questionnaire, je pense, pour exprimer son énervement, et donc qui en fait remplit tous les trucs pour dire. Par exemple, quand on demande les choix de musique, enfin lesquels vous vouliez absolument pas jouer, parce qu'en fait il y a eu des sondages sur quelle musique on va jouer, et qui met surtout pas les chants politiques, non à tous les trucs militants. Après on dit pourquoi est-ce que vous êtes venu à nuit debout, surtout pas pour les militants, enfin et qui a rempli toutes ces choses-là. Et on voit à la fin, je crois que c'est la même personne qui met quand on dit qu'est-ce que l'orchestre debout pour vous. Qui dit oui, c'est devenu un organe partisan, etc. Donc on voit qu'il y a quand même, et ça c'est, je sais pas si c'est des gens qui vont exprimer dans l'orchestre, parce que c'est vrai que dans un groupe c'est plus difficile de faire part voilà, quand il y a une majorité. Donc il y a quand même des gens qui ont participé et qui ont des avis divergents, même si on constate quand même on va dire une sorte de communauté d'idées très très large peut-être. Et après, juste sur la question place qui danse, place qui pense, effectivement, enfin, on va regarder toutes les questions sur les sound systems qui ont été installés sur la place. Là, on n'en a pas trop parlé. Enfin, moi, j'ai passé pas mal de temps là-bas. Voilà, donc, effectivement, enfin, c'est un milieu qui est poétisé. Après, voilà, enfin, qui date d'il y a, enfin, dans longtemps, enfin. Donc voilà, on va traiter ça, mais je pense que ça pose vraiment la question. Enfin, bon, moi je le réintègre un peu dans mes questions, enfin tout, ils ne sont pas tous politisés, mais je le réintègre un peu dans mes questions par rapport à ma thèse. Je pense que faire venir des sound systems dans Paris centre, ça faisait un moment que c'était pas arrivé. C'était quand même, enfin, ça veut dire, c'est arrivé quand même pas mal de fois historiquement à Paris. C'est pas la première fois que ça arrive, mais effectivement, ça fait un moment que c'était pas arrivé dans Paris. Maintenant, ça a tendance à se faire plutôt, on va dire, aux périphéries de Paris, à l'intérieur de Paris, mais plutôt dans les périphéries et moins dans le centre. Même s'il y a encore des gros événements, voilà, mais qui ont été plus, on va dire, qui sont considérés comme étant plus récupérés commercialement. Mais je pense qu'effectivement, l'enjeu de la réappropriation par différents groupes de l'espace public, et là, en l'occurrence, par de la musique, est très très forte dans un moment où la mairie de Paris met en avant justement qu'elle est une ville de la nuit, etc. Alors qu'en fait, toutes ces choses-là sont de plus en plus exclues de l'espace public. Je pense que c'est un enjeu qui est effectivement politique et qui fait partie aussi, même s'il n'a pas été labellisé nécessairement, ils n'ont pas voulu eux-mêmes se labelliser nécessairement comme mis debout. Je pense que oui, c'est quelque chose d'important. Je vais essayer de répondre rapidement. Déjà, il y a plein de choses que je ne savais pas. Pour vos guerres morts, je suis très content de l'apprendre et je vais apprendre plein de choses, c'est pas possible. Plus d'informations que j'ai, c'est super bien. Sur la question de la privatisation, ce qui est intéressant, c'est que l'événement qui a privatisé la place, c'était la première manif des policiers. Après la manifestation des policiers, c'était courant au mois de mai, je pense, non ? Ouais, ouais. C'était au courant au mois de mai, où ils ont bloqué toutes les entrées de la place. Ouais. Et donc, moi, j'étais aux portes de la place avec les gens, et là, il y a eu beaucoup de réactions de riverains, pas forcément pour ou contre la police, c'est bah, « Attendez, c'est la première fois qu'on nous prive de notre place. » Donc là, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Après, il y a eu des choses plus politisées, des gens d'extrême droite qui voulaient que ça parte au conflit, des gens d'extrême gauche, etc. Mais il y avait aussi, en fait, beaucoup de riverains qui étaient juste « Mais qu'est-ce qu'on fait avec ma place ?» Normalement, c'est... Enfin, voilà. Il y avait ça. Les riverains, c'est une catégorie très compliquée. Parce que quand est-ce qu'on commence à être riverain, quand est-ce qu'on ne l'est plus ? Et en plus, moi, pour les travaux sur les attentats, c'est une catégorie exactement beaucoup mobilisée autour des attentats. Et donc, voilà, c'est très problématique. J'habitais rue Saint-Maur, est-ce que je suis riverain de la place de la République ? Est-ce que je peux me plaindre ? Enfin, voilà. C'est... Mais ça, il faudra travailler là-dessus. Et notamment, il y a une collègue à moi qui va participer au recensement dans le 11e arrondissement, justement pour essayer d'entrer chez les gens, de découvrir un peu plus par rapport à tout ça. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur les tensions il y a quelque chose, oui, ça, il y en a plein. Enfin, je pense que beaucoup de gens autour dans la salle les connaissent. Il y a énormément de tensions quand on est assis debout. J'ai eu un sentiment, mais là, j'ai aussi changé de position au fur et à mesure. C'est bizarrement, plus il y avait de gens, plus c'était hétérogène, moins je sentais les tensions. Et moins il y a de gens, plus j'ai senti les tensions arriver. Voilà. Donc ça, c'est marrant, parce que finalement, un mouvement social, plus il est hétérogène, moins il y a de tensions. Et après, je ne vais pas redéfinir toutes les tensions, on les connaît ici. Et j'ai noté le commun policier, j'ai noté tout ça, j'y réfléchirai par la suite. Alors je fais circuler la parole là où elle est pas. Non, parce qu'il y a 5 personnes qui sont encore intervenues à qui j'ai donné la parole. Donc je donne dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5. Moi j'essaie de passer du côté des gens qui ont fait le choix d'aller à la place de la République, c'est mon cas. Moi je suis banlieusard, donc c'est un choix, j'ai réfléchi. Donc ma question, c'est une activité d'ailleurs, je suis retraité. Bon. Qu'est-ce qui a fait bouger les gens? Qu'est-ce qui les a fait décider cette activité-là? Alors, j'aurais pu faire autre chose. D'autres. Ma conviction, c'est que c'est une activité citoyenne. C'est-à-dire que on avait beaucoup de gens, j'ai rencontré sur la place de Razéné, c'était une activité citoyenne. Donc, on peut faire de la musique comme une activité citoyenne. Quoi. Et ce qui m'a frappé, alors moi j'ai participé à un groupe de gens qui venaient parler de leur travail. Bon. Et il était organisé délibérément de la façon suivante, c'est-à-dire un peu à l'opposé de la façon dont on fait, dont on organise les débats politiques. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait quelqu'un qui fasse un topo introductif, c'est exactement l'inverse. Les animateurs choisissaient de donner d'abord la parole à ceux qui étaient là, qui s'étaient déplacés. Donc les animateurs se contentaient de mettre un carton avec un thème. Et puis, voilà, le débat partait, pas cadré, sauf un thème. Et la parole était extrêmement fluide. Donc, pour moi, ça représentait, en fait, la quête d'une autre façon de faire de la politique. Pas une façon descendante. Il y a des gens qui savent, il y a des experts, qui disent au peuple ce qu'il doit penser, quoi. Comment il doit voter, surtout, mais ce qu'il doit penser aussi. Là, délibérément, c'était le contraire. C'est un peu l'horizontalité dont vous avez parlé. On venait pour apprendre les uns des autres, dans notre diversité justement, mais à partir de nos expériences. Et essayer de construire ensemble, à partir d'expériences diverses, justement, quelque chose de commun. Pour moi, c'est ça, là. Et ça, j'ai senti des gens qui étaient dans ce sens, mais j'ai senti en même temps des résistances, y compris des gens qui étaient. J'ai participé à un débat, c'était le classique des classiques, trois exposés introductifs qui plombent tout de suite le débat, puis après, il ne se passe rien. Voilà. Donc, j'ai senti que les tensions qu'il y avait, c'était entre une façon traditionnelle de faire de la politique qui n'est pas satisfaisante et la recherche d'une autre façon, mais qui n'est pas, qui n'existe pas, qui était à inventer pour que on fasse de la politique entre égaux à partir de ce qu'on est, des citoyens lambda. Voilà, c'est la vision que j'ai senti et j'ai essayé d'aller dans ce sens. C'est une modeste. Une assemblée citoyenne. Voilà. Il n'y a pas. Il est tous égaux. Les citoyens à l'assemblée. Je ne sais plus, j'avais donné des petits numéros, j'avais dit 1, 2, 3, je ne sais plus dans quel ordre. C'est 2. Par là. Je pense que vous avez bien sur la parole, mais j'ai pas le droit d'avoir. Madame, moi, je ne sais pas en quel numéro j'étais. Oui, c'était aussi pour vous apporter un élément sur le lien entre l'attentat et place de la République. Je ne sais pas si vous étiez sur la place le 13 novembre cette année. Non. Ça, c'est bien. Oui, j'ai passé la journée. Oui, donc vous avez vu du coup ce qui s'est passé? J'ai vu, alors, quand le Bataclan est là, j'ai vu que les pop après, c'est parti aussi sur le site témoignage. Oui, alors, la veille, quand on a prévu la journée, on a pu penser à ça, il y a quelqu'un qui nous dit à ce moment-là, ce serait bien qu'on fasse une minute de silence. Et c'est vrai que les quatre, enfin, des cinq dans l'équipe, les quatre autres dont moi étaient un peu abasourdis par sa proposition. Minute de silence, pourquoi? Enfin, d'accord. Et finalement, quand on a décidé de le faire quand même, peut-être que nous quatre étions dans la première catégorie des insensibles que vous avez cité. Et donc du coup, le lendemain, on a installé le matériel comme d'habitude, et il y a quelqu'un qui est passé et qui nous a dit « Vous n'avez pas honte ». Et donc on commence à discuter avec lui pour... il nous dit « Non mais quand même, vous n'avez pas honte de venir là, faire la même chose que d'habitude, sur la place, alors qu'on est le 13 novembre, c'est quand même un an, c'est quelque chose de sacré ». Donc là, on était bien content de pouvoir lui répondre « Oui, vous savez, on va faire une minute de silence hein, ». Donc quand même, c'est... Et on disait « Mais justement, la vie continue aussi, la lutte continue, et tout ne peut pas s'arrêter, même un jour, parce qu'il s'est passé ça ». Mais en fait, la personne a discuté longuement avec nous et elle était tout à fait ouverte. Donc il y a eu cette minute de silence, et en fait, au fur et à mesure de la journée, on s'est dit que ce serait bien de faire une libre parole après les interventions. Et ça a été extraordinaire, en fait, parce qu'il y a juste trois personnes qui ont pris la parole, mais on s'est rendu compte après, parce qu'apparemment il y a eu quelques témoignages sur TF1, je ne sais pas trop quoi, mais que c'était des choses complètement ridicules qui étaient dites au niveau des médias. Et par contre, ce jour-là sur la place, les trois interventions qu'on a eues, il y en a un qui nous a parlé de la mort d'un de ses enfants, je crois, et qu'il l'avait totalement éveillé. Voilà, que lui, depuis, il vivait éveillé. En fait, c'est comme s'il parlait de Nuit debout aussi, en parlant de ce qui s'était passé. Et là, il y a eu un moment, en fait, même pour nous, ça a été très perturbant. On n'était pas Nuit debout, tout à fait. On était dans un moment de commémoration de ce qui s'était passé. Et là, il y avait alors que dans la journée, il y avait 20 personnes qui écoutaient, là, il y avait plus de 100 personnes. Enfin, tout le monde a commencé à venir et à écouter, et c'était... En tout cas, c'était un moment où il y a une sorte de réunion à ce moment-là, et on n'était plus dans le milieu debout. Et en même temps, c'était dans le cadre de cette commission, mais... Voilà. Merci. Il y a une troisième intervention. Moi, ce qui m'intéressait, c'était justement l'intersection entre le travail de merci Isabelle et le travail de Sylvain. Justement, je voulais savoir si des deux côtés vous étiez posé la question, d'une part pour Sylvain, la question des pratiques musicales comme une forme de résilience ou comme une forme de construction de la mémoire, justement à travers. Enfin, à travers la chanson, il y a eu une grosse production de mémoire. Est-ce qu'il y a eu aussi la question de la tempête, est-ce qu'elle est articulée avec la question des debout, est-ce qu'il y a des moments où ça apparaît, je ne sais pas, sur la question du deuil surtout. Je me suis posé la question, je vais peut-être clarifier. En fait, j'avais proposé un projet aussi au départ avec deux autres collègues de la chanson sur justement la construction de la place. De la place à travers justement les formes artistiques dans cette articulation avec justement le l'attentat et le debout. Et du coup, moi j'ai commencé en fait à travailler un peu, à faire de l'observation avec l'orchestre. Puis finalement, c'est transformé en participation et finalement, nous, on n'a pas été pris pour le projet et en fait, on a abandonné et bon, moi j'ai continué à travailler avec l'orchestre. Et finalement, c'est devenu plutôt une participation légèrement observante. Et donc voilà, je me posais la question avec justement merci Elisabeth, si vous aviez envisagé de poser la question du deuil et des attentats, le rapport avec la musique. On va continuer, il y avait... Deux remarques par rapport à la musique. Dans cette opposition entre la place qui pense et la place qui pense, j'ai eu le sentiment qu'à un moment, c'est quand même la place qui pense qui a gagné la partie. Et qu'à un moment, il y avait la condition animation, mais pour savoir proposer énormément de concerts. Et il était beaucoup freiné par une majorité de gens, c'est mon cerveau que j'ai eu, qui disaient non, on n'est pas là pour, justement, on n'est pas là pour faire la fête, c'est pas pour les familles de vous, on n'est pas là pour faire le festival, pour faire la fête, il y a plein d'autres endroits. À la place, on est là pour, voilà, on est là pour travailler, on est là pour inventer, voilà, enfin, c'est tout ce que les debout a été, mais c'était vraiment plutôt clair, voilà, on est là pour travailler, on n'est pas là pour faire la fête. Et du coup, ça s'est limité de plus en plus au week-end, et donc il y avait des concerts, mais c'était plus souvent le week-end que la semaine. Concernant les refrains, en fait, la préfecture a donné raison aux refrains, parce qu'on avait quand même, par rapport à la suite des déclarations qu'on faisait sur la place, on avait très très régulièrement des arrêtés qui nous demandaient d'arrêter le volume sonore avant 8h, 22h. Donc, les refrains ont été entendus par la préfecture. Et deuxième remarque par rapport à ce que tu disais, Sylvain, sur le fait que les personnes les plus engagées étaient assez sectorialisées, je ne sais pas si tu as utilisé, que les gens que tu as interrogés, ils parlaient de leur combat, enfin d'un combat assez unique et qu'ils pouvaient éventuellement avoir avant d'être venus sur la place et qu'ils continuaient sur la place. Alors que moi, j'ai plutôt le sentiment que justement, il y avait effectivement des gens comme ça, mais il y a aussi des gens qui n'étaient pas militants avant. Et la place est aussi l'opportunité d'être sur plusieurs luttes en même temps. Tu dois aller construire un lambris compost à la commission écologie, puis aller faire une action pour empêcher l'expulsion de migrants, puis aller faire un débat dans la commission féministe. Voilà. Il y avait pas de. J'ai pas l'impression que. Il y avait certaines personnes qui étaient dans une commission et qui sont restées. Et aussi, c'était aussi l'opportunité de naviguer moins facilement d'un combat à un autre. Je suis pas d'accord avec cette idée de. Ouais, tout simplement, je commence là par dire que je suis assez d'accord avec Sylvain, disons, sur des gens qui ne sont pas forcément parcours militants, qui sont ouverts et qui ont navigué à travers. Voilà, c'est plutôt des pistes que je voulais donner à Sylvain. Peut-être aller voir différents occupants de la place, des acteurs assez divers, à commencer par les tenants du bar, le Fluctuel, comment il s'appelle, la bien structure, parce que c'est des jeunes, ils savent quand même, ils sont quand même au courant de la loi travail, hein, ils sont pas dans une bulle déconnectée, ils sont quand même, je pense, manifestement pour avoir changé quelques regards sympathisants, justement sympathisants du mouvement. Même si, voilà, par ailleurs, ils étaient inquiets que le bar puisse être justement l'objet d'attaques ou de violences ou quoi. Mais ce serait intéressant d'avoir leur témoignage. Et d'autre part, avec les gens qui organisaient les Jeux debout et avec ceux qui, de façon relativement temporaire, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais peut-être un mois, faisaient partie du groupe de soutien aux handicapés, enfin, je sais plus, une espèce d'événement sportif qui était organisé sur la place. C'était 3 jours seulement, pas l'année encore. Un week-end. Mais moi, ce sera intéressant de faire un témoignage de j'ai le contact, si vous voulez. Voilà. Et dernière chose que j'aurais aimé dire, si vous me le permettez, c'est que ce serait intéressant aussi de travailler à la façon dont la place est structurée, c'est-à-dire les différentes commissions ont pu au départ investir un lieu puisqu'évidemment il était libre, puis au final se retrouver relativement borné contre aux autres options qui étaient toujours libres d'investir d'autres lieux sur d'autres endroits de la place. On parle toujours du même coin de la place, hein, de la même moitié de la place. Mais à titre personnel, pour la commission écologique, je peux bien témoigner du fait que à 2 ou 3 reprises, on a voulu justement se déplacer, puisqu'on se rendait compte qu'on n'avait plus assez de visibilité, on était un peu exclu du reste des débats, et de façon assez surprenante, des gens de l'équipe, mais aussi des visiteurs qui venaient, régulièrement, nous faisaient part de leur surprise ou de leur déception, où on sentait qu'on brusquait un repère psychologique, alors qu'au départ, évidemment, le mouvement, c'est censé être quelque chose de spontané, et là, il y a les premières formes d'institutionnalisation qui apparaissent au bout de 3, 4, 5 mois, et du coup, ça perturbe les repères cognitifs des gens, quoi, manifestement. Donc c'est assez intéressant de travailler aussi là-dessus. Alors, je ne sais pas s'il y a sans doute d'autres commissions qui pourraient aller dans ce sens-là et apporter des témoignages. Oui, mais c'est juste pour une remarque et une question. C'est pour revenir sur ce que vous avez dit sur la, de l'espace. Moi, j'avais fait juste une petite enquête pour à trois personnes pour valider ma licence 3 à Paris 7. Et j'avais passé du coup, je passais du temps et debout, donc j'avais observé en même temps et j'en avais fait une enquête. Et ce qui m'avait un peu marqué sur l'espace, c'était plutôt le rapport construction-destruction qui était hyper intégré par les gens sur la place et qui était à la fois une raison de tension avec la police, avec les riverains, et aussi qui était hyper représentant des pratiques de nuit debout, parce qu'ils avaient intégré que eux, ils voulaient rester là, peu importe qu'on détruise leur construction, et que voilà, il y avait un éternel recommencement de construire, et aussi de voilà, des œuvres un peu éphémères, on acceptait qu'elles soient détruites, et c'était le jeu, et c'était comme ça, et ça faisait peut-être partie aussi parfois pour certains d'une pensée de non-violence. Et ça, je pense que c'est pour une référence un peu plus théorique, je crois que c'est l'écrivain politique Akinbe qui parle un peu de ce rapport construction-destruction. Et je pense que c'était quand même vachement intéressant sur une debout de voir que l'espace, il était pensé comme ça, il était pensé aussi, c'était éphémère, on ne savait pas comment ça serait le lendemain, mais la seule chose qu'on savait, c'est qu'on serait là et qu'on essaierait de reconstruire par rapport à ce qui avait été déconstruit par des gens extérieurs au mouvement. Et sinon, j'avais une question, c'est parce que tout le monde parle sur la spécialisation de la place de commission, et je ne comprends pas du tout ce terme, je ne comprends pas du tout d'où il vient. Enfin, moi, je n'ai jamais entendu parler du terme commission. La première fois que j'ai entendu, c'est la mise debout. Et depuis que je retiens un peu ce terme-là, la seule fois que j'entends, c'est dans la hiérarchie dans les universités, la commission recherche, commission éducation, et je comprends pas du tout pourquoi ça a été repris sur mes deux. Alors je ne sais pas si vous savez, c'est un terme vraiment. C'est le terme débat. Je ne comprends pas d'où vient ce terme-là, et moi je ne le connais pas du tout, c'est pas du tout un terme qui m'est familier, que j'utilise quand c'est. Je ne sais pas qui l'a inventé, mais je dirais que c'est quelqu'un qui est de la hiérarchie de l'administration qui est mis en place. D'abord, je voulais féliciter les trois intervenants parce que j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, le travail que vous avez fait, qui reflétait bien ce qu'a dit aussi Edwige, et c'est-à-dire cette richesse, cet foisonnement, cette explosion qui est tellement difficile à résumer, à encadrer, qui a été la richesse de ce mouvement, parce qu'il y a eu tellement de commissions qu'on ne pouvait pas les suivre toutes, qu'elles faisaient un travail merveilleux, et en même temps, c'est un peu ça quand il y a une insurrection populaire ou une révolte spontanée, tout ça, dans les mouvements Occupy et Free, on l'avait trouvé, dans le mouvement anti-CPE aussi, enfin bon. Cette richesse, elle n'est pas cernable, on ne peut pas l'enfermer dans un programme, vous voyez ce que je veux dire. La deuxième chose que je voulais dire, je vais être très rapide, aucun mouvement n'est jamais mort. C'est-à-dire que même si des gens vous racontent que Nuit Debout s'est couché, Nuit Debout s'est pas couché, puisqu'on a fait deux week-ends absolument merveilleux, moi j'en ai fait un en tout cas, le week-end du 15 août pendant trois jours dans la forêt de Bonseillant, on était 120 de toute la France. Il y en a eu un deuxième le 11 novembre qui a réuni à peu près une soixantaine de personnes. Mais je veux dire qu'un mouvement social n'est jamais mort parce que même s'il a l'air de se calmer, on ne peut pas être toujours dans le feu de l'action. Et on en prend plein la gueule quand on est en action. Ce qu'il a semé couve sous la cendre avant de renaître. La troisième chose, et je vais être très rapide, c'est que ce mouvement nous a appris par la violence de la répression. Vous savez qu'il y a en ce moment, en quelques mois, 725 personnes qui passent en procès, qui sont condamnées, que ce soit des gens qui ont bloqué une rue, que ce soit des syndicalistes, que ce soit des gens qui ont soutenu des réfugiés, que ce soit des gens qui ont écrit à la CRI sur un panneau du MEDEF. Vous le savez comme moi, tous mes copains passent en procès tous les jours. Si je voulais y aller, je ne ferais plus que ça, il y a trois procès par jour. Nous avons appris que le pouvoir a changé son mode d'action, sa stratégie, et que les manifestations auxquelles tiennent tellement nos chers syndicats pour se compter, pour montrer qu'ils existent, sachant qu'ils ont mis deux mois à suivre les jeunes, il leur a fallu février-mars, avant de lancer les occupations, les blocages, il a fallu qu'il y ait des jeunes qui se fassent casser la mâchoire devant leur lycée. Donc je veux dire que les manifestations sont devenues des pièges. Nous risquons de perdre un œil, de nous faire fracturer les os, de finir en garde à vue et en prison. parce que la doctrine est bien connue, il y a eu des ouvrages là-dessus de chercheurs, l'État utilise maintenant les manifestations pour nous mutiler. Donc je fais partie des gens qui ont fait des plaintes contre Valls et Cazeneuve sur un article du Code pénal, mise en danger volontaire de nos vies en manifestation. 45 personnes ont perdu un œil en quelques mois. Vous le savez comme moi. Je dis donc, je fais partie des gens qui disent, soyons aussi intelligents qu'eux, commençons à changer de stratégie. Au lieu d'aller en leur disant tel jour, on va encore faire ça avec les chômeurs, ça fait 20 ans qu'ils font une manif tous les ans, je les adore, d'accord, mais ça sert à rien. Au lieu d'aller dire tel jour, on va aller manifester place de la République ou à place Jaurès, on va être entouré de cordons de police. La dernière manifestation du avant-dernière du mois de juin autour de la Bastille, 3000 policiers, il fallait se faire fouiller. Moi, je vais me faire fouiller par la police. Changeons. Il y a les occupations, il y a les blocages, il y a les boycotts, il y a les désinvestissements, il y a les sanctions. Faisons des classes actions, faisons des plaintes collectives. Et c'est à peu près tout. Et je voulais juste dire que les riverains, c'est des gens manipulés, utilisés. Il y a un très beau livre d'Éric Vatin sur la façon dont on utilise les soi-disant riverains contre les Roms, qui s'appelle « Roms et riverains », que je vous conseille, il est magnifique. Les riverains, c'est des gens qu'on ne connaît pas, qu'on utilise. Voilà. Du coup, pour conclure cette troisième présence, je vous propose de reprendre la parole pour l'entre nous. Rapidement, je vais en revenir sur un point qui n'a pas été évoqué. Je vais l'évoquer maintenant, parce que ça me tient à cœur. Et c'est qu'en même temps, on parle d'énormément de choses au niveau de tout ce qu'on a parlé, et en même temps au niveau de tout ce qui est répression. Et la répression aussi, il ne faut pas en oublier aussi qu'aujourd'hui, alors qu'il est, moi en faisant partie, et en l'étant en même temps, il y a beaucoup de choses, on va dire que tout le monde pense que c'est réglé, le problème est réglé. Tout le monde pense que tout le monde s'en fout aujourd'hui, c'est pas un problème. Alors qu'il y a encore il y a deux jours, je me suis renseigné au niveau sur Internet, et puis par rapport à certaines personnes que je connais, par rapport à tout le collectif, on va dire, intergay, voilà, qu'énormément de gens se suicident, des jeunes se suicident de 16 ans jusqu'à 19 ans, par rapport à la répression de leurs parents, par rapport à la répression que font le gouvernement par rapport à ça. C'est quelque chose qui est intolérable encore de nos jours aujourd'hui, et que justement la manifestation justement qui a eu la dernière fois où j'étais et qu'on s'est fait presque incendier comme des malpropres alors qu'on était quoi, une dizaine, pas plus. Donc je trouve navrant d'ailleurs, par tous les collectifs d'ailleurs qui se disent avec les gays et compagnie. Avec toutes les gays, que ce soit les gays, lesbiennes, et quand je les gens passe, et qu'on n'était que 10 contre tous ceux qui ont fait une énorme manif qui est partie de la place Dauphine, de la porte Dauphine, et on s'est fait lyncher. J'ai 3 amies lesbiennes qui ont été par terre, qui se sont retrouvées par terre, rouées de cul, et même par rapport au service de sécurité, personne n'a rien dit, même les flics n'ont rien dit, ils ont laissé faire. Donc ça, en même temps, j'aimerais dénoncer ça. Et en général, on n'en parle pas. Donc moi, maintenant, aujourd'hui, moi aussi, je fais partie du collectif, mais en même temps, de Nuit Debout, mais en même temps, je dénonce ça, que la discrimination gay n'est pas finie aujourd'hui. Il y a encore de la discrimination gay. Les gays sont pas encore, on n'est pas encore reconnus comme personne normale dans ce pays. Et ça, et même dans le monde, il y a encore des tueries, il y a encore des gens qui se font couper la tête parce qu'ils sont gays. Et ça, faut encore, alors je suis bien d'accord qu'on parle aussi des migrants, je suis bien d'accord qu'on parle aussi de tout ça. Moi qui suis le premier à défendre les migrants, mais je suis pour toutes les convergences de lutte. La dernière fois, il y a eu une manifestation qui s'est faite justement pour défendre tout ça. La plupart des manifestations gays, il y a énormément de collectifs qui sont là. Même la CGT sont présents, même FO. Donc je les remercie par rapport à ça. Donc j'aimerais en même temps que Nuit Debout et que tous les autres collectifs soient un peu plus présents pour défendre justement la communauté gay par rapport à ça, justement pour dire que bah voilà, le combat continue et que c'est pas fini, qu'il y a des gens qui sont gays qui ne le disent pas parce qu'ils ont honte de le dire. Aujourd'hui il y a encore une honte de dire qu'on est gay et que on couche avec un homme et on couche avec une femme, voilà, tout simplement. Et j'aimerais que ça aujourd'hui il y ait une réelle prise de conscience et que qu'on en parle réellement. Moi j'ai essayé à Nuit Debout de faire une commission qui avait déjà existé à Nuit Debout et qui a été complètement dissoute, pourquoi j'en sais rien. J'ai essayé de la reprendre, on était trois à la commission, et ça a même pas pris parce que tout le monde s'en foutait en fait, tout simplement, c'était la commission LGBT et plus. Et donc ça veut dire que commission LGBT et plus, donc ça veut dire que toutes les personnes qui ne se sentent pas, ou qui le sont mais qui ne le savent pas, mais qui ont envie de s'intéresser à ce qu'ils sont sans le savoir, parce que des fois les gens ne le savent pas mais alors qu'ils le sont, ça aussi c'est une question. Et ça c'est une question qu'il faut peut-être poser la question à certains psychologues, et voilà, j'aimerais bien intéresser certains psychiatres et certains psychologues à venir en disant que justement le fait d'être gay n'est pas une maladie, et ça justement ça remettrait un petit peu les pendules à l'heure pour certaines personnes, de dire que le fait d'être gay et d'être bien c'est pas une maladie. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ça, de se dire j'aime un homme ou j'aime une femme, non, c'est pas une maladie, c'est on est comme ça et puis voilà, c'est tout, c'est psychologique, c'est en nous, et voilà, c'est donc ça j'aimerais bien en même temps que il y ait quelque chose de fait là-dessus, j'aimerais bien qu'on en parle et j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose vraiment de qu'on avance un petit peu sur ce point-là. Sur ce point de vue, parce que voilà, il y a encore des jeunes qui se suicident par rapport à ce problème-là. Et ça, on n'en parle pas. Tout le monde n'en parle pas, et même je parle des jeunes, mais il y a même encore des personnes aujourd'hui de 40, 50 ans qui aujourd'hui, se suicident par rapport à ça parce qu'ils ont l'impression d'avoir bousillé leur vie, et voilà, parce qu'ils pensent qu'ils sont anormaux, donc voilà. Pour conclure, du coup, je prends la parole. Donc Elsa qui va s'améliorer centrale de l'occasion, si vous le dire. J'ai pas de réponse sur le lien attentat et musique. En fait, la première observation qui ressemble aux observations, c'est que on n'a pas collecté de matériaux qui fassent qu'il y ait quelque chose de visible là-dessus. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, parce qu'évidemment, on n'a pas passé 8 mois à République. En fait, la question de la mémoire et de la musique, par contre, on l'a beaucoup vu au niveau des répertoires. Donc là, on a un petit volet en fait, circulation internationale des répertoires de chansons contestataires, où on fait, sur certains morceaux, on peut voir comment ça circule d'un moment à l'autre. Enfin, en termes de mémoire et musique, on a un gros truc là-dessus. Après, moi, du coup, c'est plus des réactions spontanées, et en rapport tout ce qui a été dit, ça active des choses auxquelles j'aurais pas du tout pensé. On n'a pas posé la question du silence, mais c'est vrai que, si on étudie la musique, il faut étudier les silences. Moi, j'en ai entendu, j'étais pas là le 13 novembre au moment où j'en ai là. Et alors après, sur la question de... du coup, je visualise le réinvestissement spatial de tous ces tambours djembé ou derbouka qui sont constamment autour de la statue. À laquelle, et je ne saurais pas en dire plus. Et si, du coup, ça fait la transition. Je me souviens d'un petit billet de François Morel à la suite des attentats qui disait « ne renoncer à rien ». Et donc, c'est vrai que dans ce côté, on va sur une place, on boit des bières, on fait des concerts. Là, du coup, on peut voir l'espèce mécanique. Et du coup, je sur cette idée de fait, justement, en fait, j'ai pas eu le temps de le dire, mais l'extrait qu'on présentait de la commission animation, en fait, faisait état de comment ils entendaient la musique. Donc, je suis passée trop vite, mais ils disaient qu'on va mobiliser la musique pour ben voilà, il faut qu'il y ait un mélange de genres des répertoires, mais en aucun cas il faut qu'on devienne un festival, on ne peut pas se associer à ça, et donc là ça renvoie toujours à ce volet que de négociations du bruit sur la place, mais aussi de l'image et de comment on veut qu'on se représente nous à l'extérieur. Et je repense à un article qui nous avait, que je connais bien, que je pense sur Casse-de-Boue, où on disait on n'est pas des punkages, si on ne veut pas être assimilé au punk à chien, voilà, nous on fait un orchestre symphonique. Donc oui, c'est un espace, c'est un enjeu de négociation au sein de l'espace de la place, et je pense que jour après jour, ça n'a pas fait celui-là, mais on pourrait voir des prises de position. Après, la question c'est de qui est-ce qui gagne, mais ça va pas apporter une réponse, de toute façon. Ben, je vais, j'ai pas beaucoup d'éléments de réponse à apporter, donc ça peut aller vite. Pour la question des musiques, attentats, les articulations, moi j'ai des choses glanées à droite à gauche, mais c'est pas problématisé. Donc si ça t'intéresse, si t'as des éléments, nous, un petit séminaire, on peut t'inviter. Voilà, on va faire des choses ensemble, on est complètement partant de notre côté. On peut se recontacter autour de ça. Moi, je serais très heureux de partager, si tu veux bien partager tes hypothèses, discuter de ça, présenter des papiers, on serait vraiment. Même si c'est encore embryonnaire parce que tu n'as pas eu à le faire. Voilà. Je serais très heureux là-dessus. Sur la question par liaison, qui n'était pas militant, que tout le monde n'était pas militant avant Nuit Debout et que la migration d'un endroit à l'autre à place. Oui, en fait, cette idée d'une histoire secteur, je pense, moi, ce qui me paraissait majeur pour essayer de comprendre ces choses-là, c'était l'idée que Nuit Debout revenait sur sa propre historicité, sa propre histoire. Ça, c'est une hypothèse que je pense qu'on peut défendre. Celle sur sectorisation, c'était lié à ce que j'avais entendu, enfin, sectoriel, je ne sais pas comment dire ça, enfin, secteur d'activité. C'est des choses que j'ai entendues, et je ne voulais pas dire forcément qu'ils étaient militants. Ça peut être un intérêt qui justement va prendre une dimension militante à travers Nuit Debout. De toute façon, et a priori, tu connais mieux la place que moi, donc voilà, enfin je suis encore très content d'apprendre des choses nouvelles, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour la question aussi d'Adrien, t'évoquais se déplacer, j'ai trouvé ça, en fait, j'ai jamais pensé au terme se déplacer par la place de la République, c'était assez joli. J'ai pas compris si tu disais te déplacer en dehors de la place ou sur la place. Sur la place, ouais. Ouais. Dans la place, ouais. Ouais. Ouais. D'accord, mais j'hésite entre les deux. J'ai juste de déplacer quelques dizaines de mètres, et ça semblait brusquer les gens. Ça serait un truc, mais moi je l'ai pas assez fait, il aurait fallu avoir des plans jour par jour, comment c'est évolué. Et pareil, il y a plein de suggestions, j'avais pas pensé au tenant du bar, j'essaie de faire la majorité des personnes très différentes, mais pas, j'ai pas fait le tenant du bar. La référence de Fassin, je la connais pas, pour les riverains, ça pourra m'aider. Enfin voilà, il y a plein de choses là-dessus qui sont intéressantes. Je voulais juste revenir sur le point, moi j'avais une question aussi à poser, en fait, quelqu'un avait soulevé très justement pourquoi le terme commission, et est-ce que quelqu'un connaît l'origine de ce terme, comment c'était décidé que ça s'appelle des commissions ? Les commissions ? Alors j'ai quelques éléments, Yes. Je ne sais pas s'il y a une personne qui l'a décidé. En tout cas, c'est une question qui s'est posée dès le tout début, où les gens se sont réunis par petits cercles, micro-âgés si vous voulez, qui ont chacune discuté de choses et d'autres. Et il y avait plusieurs mots pour désigner ça. Il y avait les cercles qui renvoyaient plus au mouvement des indignés, et donc qui était un peu connoté. Il y avait groupe de travail qui a été tout de suite jeté à la poubelle parce qu'il avait le mot travail. Et il y avait Paul, voilà. Et les commissions. Et donc, pourquoi il y en a un qui a pris le dessus, je ne sais plus, mais à un moment, mais au bout de très peu de temps, les gens se sont mis à demander dans quelle commission. C'était la payer avec très peu de commissions au début. Ça désignait plutôt la logistique, la cantine, l'animation, il y en avait 4 ou 5 actions. Mmh. Action, évidemment, oui. Et démocratie. Je pense qu'il n'y avait pas plus que ça. Ça partait de cela. Oui, pour comprendre bien le mot, je pense que c'est intéressant de regarder les premières qui ont existé, qui ont probablement justifié le mot, et après, il y en a d'autres qui ont utilisé le même mot pour faire d'autres commissions. Mmh. Elles ont beaucoup bossé, certaines. Il y a un travail énorme qui a été fait. Il y a bien eu une quarantaine de commissions. Et ce travail reste, et on continue à travailler dessus. Donc on n'a plus que 3 minutes avant d'être dehors, donc c'est d'ici 20 minutes. Sinon, il y a un élément, c'était juste un élément sur lequel qui m'est paru aussi intéressant du point de vue en fait de la masse de la mobilisation nuit debout. C'était l'inter. On parlait des interdictions après 22 heures, du bruit, et aussi interdiction de d'amener de l'alcool sur la place. Mais ça, c'est pas après. C'est pas après la soirée où il y a eu la voiture qui a brûlé, parce que moi, il me semble que, quand j'étais, que c'est à partir de ce moment que c'est après qu'il y a commencé à avoir beaucoup plus de restrictions sur l'horaire de durée du. Oui, en fait, dans l'arrêté, c'est que il rappelait tous les incidents qu'il y avait eu sur la place, donc au bout d'un moment, ils ont eu une lit suffisamment grande, qui a justifié l'arrêté. Donc il rappelait la hôtel d'AC, il y a eu ça, il y a eu de l'alcool, il y a eu. Ça me semblait que l'été de l'alcool et tout, c'était des gradations, etc. Ils ont pas eu un moment avec la violation de l'incident. Moi je veux juste élaborer un point par rapport à ça. 30 secondes, parce qu'il y a des travailleurs ici qui finissent à 21h, 21h, 30 secondes. C'est bon ? Ouais. Ok, parfait. Merci à toutes et tous pour vos.